tu dévouer à ma cause qui est la tienne? Seras-tu entier, prêt à nous sauver? Tu ne plus succomber aux artifices de ceux qui périront en brûlant leur âme. Oh, oh, seras-tu prêt à sacrifier le pouvoir? De ta petite sphère, t'auras-tu dévoué seras-tu tout entier, seras-tu ne plus succomber? Tu dévoues à ma cause qui est la tienne. Seras-tu entier prêt à nous sauver pour te sauver? Seras-tu ne plus succomber aux artifices de ceux qui périront en brûlant leur âme? Seras-tu prêt à sacrifier le pouvoir, le contrôle de ta petite sphère?